Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ton amour manifesté à la croix pour moi. Tu as quitté ton trône de gloire et tu as payé le prix par ton sacrifice afin de me donner la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que je vais t'élever, Seigneur. Sur la terre pour me sauver, à Golgotha sur une croix, il sacrifia sa vie pour moi. Son sang précieux m'a racheté de tous mes péchés et je vis. Voilà pourquoi je veux le louer et lever son nom à jamais. Si tu n'étais pas venu.